إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 48 dans l'explication de Sharh al-Usul al-Thalatha du Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. On est dans al-Usul al-Thalith, le fondement numéro 3, au sujet du fait qu'on doit croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma'rifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a parlé de plusieurs points maintenant, depuis le début de ce troisième fondement, et on est arrivé maintenant à la question de la hijra, hijratul rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté Makkah jusqu'à al-Madina. Et on a expliqué qu'est-ce que c'est la signification de al-hijra. Wa baqiya hukm al-hijra thabitan ila yawm al-qiyama min diyar al-kufr ila diyar al-islam. Donc le verdict de la hijra, il est resté ferme et il est resté valable jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que il y aura toujours ce verdict-là. Ce sera toujours quelque chose qui existe dans la religion et que le musulman doit faire, c'est-à-dire quitter les pays des kuffars vers les pays de l'islam. Hein? Tu quittes les pays de kuffar pour aller vers les pays de l'islam. Et ça va durer jusqu'au jour de la résurrection. Ça finit pas. Hein? C'est pas comme certains qui pensent la hijra, c'est fini avec la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Mecca à Medina et puis c'est fini après, il n'y a plus de hijra. C'est pas ça, il y a beaucoup de gens qui pensent ça aujourd'hui. Et c'est pour ça, comme je disais au dernier cours, beaucoup de musulmans, quand c'est le début de l'année, hijri, ils font une khutbah puis ils parlent de la hijra comme si c'est un fait historique et que c'est fini maintenant. On en parle comme si c'était une chose au passé, mais que ça n'a rien rapport avec nous aujourd'hui. Alors que, au contraire, yani, subhanallah, les musulmans aujourd'hui sont en train de faire le contraire de la hijra. Hein? Allah musta'an. Donc, le cheikh explique. Maintenant, c'est quoi la différence entre le pays musulman et le pays non musulman? Donc, le cheikh, il dit ici, Diyar al-kufr, hiya allati yu'badu fiha ghayrullah. ويحكم فيها بغير شرعه ولا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الإسلام فيها هذه بلدة كفر يغزى أهلها ويجاهدون ويقاتلون حتى يكون الدين كله لله فإذا هزموا تغلب الجيش الإسلامي عليهم أخذوا أموالهم وسبوا نساءهم وزراريهم واسترقوا رقابهم فكانوا غنيمة للمسلمين وبلاد الإسلام هي التي يحكم فيها بشرع الله عز وجل وتقام فيها شعائر الدين وفي مقدمتها توحيد رب العالمين وقمع الشرك والمشركين ولو حصلت فيها معاص ولو وجد فيها أفراد كفار فهي بلد إسلامي ما دام الحكم فيها لشرع الله وطهرت من المعبودات الباطلة وارتفعت فيها راية التوحيد وقامت فيها شعائر الدين وبنيت فيها بيوت الله الطاهرة فهي بلدة الإسلام على أي حال كان. On va traduire cette partie. Le cheikh, il explique que les pays de Kufr sont les pays dans lesquels on adore autre que Allah et qu'on juge, dans lesquels on juge par autre que la législation d'Allah et dans laquelle le musulman n'est pas capable d'appliquer les rites de sa religion, de l'islam. Et ce sont les pays, donc ces pays-là sont des pays de mécréance qui doivent être combattus, dont les habitants doivent être combattus, c'est-à-dire lorsque les musulmans ont une force, la force nécessaire, c'est-à-dire les États musulmans auront la force nécessaire, la capacité, hein, et que le dirigeant musulman de ces pays-là décide de déclarer le djihad contre les États de ces pays de mécréance, et bien dans ce cas-là, ce sera des choses qui seront possibles entre un État musulman et un État de kufr. D'accord? Donc ils seront combattus pour que la parole d'Allah soit élevée au-dessus de toute autre parole. Et lorsqu'ils seront, battus, lorsque les kuffars seront battus, et que l'armée islamique ou l'armée de l'islam prenne le dessus sur eux, eh bien à ce moment-là, ils prennent leurs biens, ils prennent leurs femmes et leurs enfants en esclavage, et ils deviennent du butin pour les musulmans. Ça devient des butins pour les musulmans. Bien entendu, ça c'est un djihad officiel. Qu'est-ce que les musulmans font lorsqu'ils ont la capacité, lorsque les pays musulmans ont la force et que ça se fait derrière le dirigeant des musulmans, hein, avec l'armée. Pas des groupes, des petits groupes d'individus qui se forment clandestinement, puis un d'entre eux se déclare, c'est lui le chef, puis après il commence à attaquer, hein, comme ça, sans la permission de personne. Il décide que c'est lui qui décide, c'est contre qui on fait le djihad, avec qui. C'est pas comme ça, hein. Ça, c'est pas sérieux, c'est pas la façon dont l'islam le permet. C'est l'exemple, ça, des khawarij, hein, des groupes de takfir, des khawarij, comme les Al-Qaïda et d'autres groupes comme ça, hein. Allah al-Musta'an. Donc, non, le djihad, c'est avec le chef de l'armée, dans les pays musulmans, avec derrière le dirigeant, et ainsi de suite. En ce qui concerne le pays musulman, le cheikh il dit c'est le pays dans lequel on juge par la législation d'Allah et dans lequel on établit les règles de l'islam. Et à la base de ça, à la tête de tous ces rites et ces principes de l'islam qui sont appliqués, il y a le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah. Et le fait d'écraser le shirk, de combattre le shirk et les mushrikines. Même si dans ce pays il y a des péchés, on dit quand même que c'est un pays musulman. On ne va pas dire que s'il y a des péchés dans ce pays-là, on dit c'est pas un pays musulman, il y a des péchés. Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça, comme les Khawarij, ils ont des idées extrémistes. Ils pensent qu'un pays musulman, il faut que ce soit parfait à 100%. S'il y a, par exemple, ils vont dire il y a une banque avec du riba, ça y est, c'est plus un pays musulman. Qui a dit ça, Yann? Subhanallah. Il n'y a pas un pays parfait 100% où il n'y a pas de péché du tout. Hein? Après, le cheikh il dit wa in wujida fiha afrad kuffar. Yani même s'il y a des individus, quelques kuffars ou des groupes de kuffars dans ce pays-là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pays musulman. Parce qu'il peut y avoir des individus kuffars dans un pays musulman. Fahiya baladun islami. Donc c'est un pays musulman tant qu'ils jugent selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le pays est purifié des fausses divinités, des choses fausses qui sont adorées par les gens, et qu'on a élevé dans ce pays la bannière du tawhid et qu'on a établi les principes et les rites de la religion. وَبُنِيَتْ فِيهَا بُيُوتُ اللَّهِ طَاهِرَةً. Et on a construit dans ce pays, on bâtit des maisons d'Allah pures. Et donc ça c'est la description que le cheikh a donnée du pays musulman, il dit ça c'est le pays musulman, peu importe la situation. Izan, le cheikh dit, Izan, من كان في ديار الكفر وهو مسلم وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إلا أن يكون معذورا ممن عذرهم الله من الضعفاء فهؤلاء إذا لم يستطيعوا الهجرة فقد عذرهم الله تبارك وتعالى ووعدهم بمغفرته أما من يستطيع الهجرة ولم تحسبه إلا ولم تحبسه إلا مصالحه كالأموال والأولاد ومسقط الرأس والوطن فهذا محجوج قد ظلم نفسه ولا ينتظر إلا ما قال الله إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية فهذا توبيخ من الملائكة بأمر الله لهذا الصنف الذين يستطيعون أن يخرجوا من ديار الكفر ولكنهم لم يخرجوا إيثارا للعاجلة على الآجلة. Donc, le cheikh il dit donc si quelqu'un il est dans les pays de Kufr et il est musulman, il est obligatoire pour lui de faire la hijra vers les pays de l'islam, excepté s'il est excusé parmi les gens qui ont une excuse, parmi les gens qui sont faibles. Ceux-là, s'ils ne sont pas capables de faire la hijra, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a excusés et leur a promis de les pardonner. Tandis que la personne qui est capable de faire la hijra et que rien ne l'a retenu, excepté ses intérêts, comme le fait de dire je veux garder mon argent dans les pays de Kufr, mes enfants, c'est ici que je suis né, c'est ma vie, j'ai tout ici, j'ai ma maison, j'ai mes biens, je ne peux pas partir. Hein. Celui-là, la preuve est contre lui et il a fait une injustice à sa personne. Et il n'attend rien d'autre que ce que Allah a dit dans le verset dans Sourate An-Nisa qu'on a lu au dernier cours, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux que les anges viennent prendre leur âme alors qu'ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, et les anges leur demandent où en étiez-vous par rapport à votre religion, hein? Et ils essaient de s'excuser en disant on était faibles sur la terre, hein? C'est le verset 97 dans Sourate An-Nisa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés de l'enfer, ceux-là. Et il a excusé uniquement ceux qui étaient faibles et qui ne trouvaient pas de moyens, hein, pour sortir. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est un blâme qui est fait par l'ordre d'Allah, de la part des anges, mais par l'ordre d'Allah, à cette catégorie de personnes qui avait la capacité de sortir. Ils pouvaient s'en aller dans les pays musulmans, mais ils préféraient rester dans les pays de Kufr. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la dunya à l'au-delà. Ils préfèrent les biens de la dunya et le confort à l'au-delà. Le cheikh il dit وَهُنَا مَسَائِلْ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَحْثِ مِنْهَا تحريم السفر إلى بلاد أهل الكفر بدون حاجة ملزمة واختيار المكث فيها كذلك وزيادة في الشر عندما يختار الإنسان بلاد الكفر وبجانب ذلك يطعن في بلاد الإسلام هذا أجهل الناس وأبعد الناس عن معرفة الحق وكأنه أعمى ما تبين له سبيل الحق من سبيل الباطل فالفرار إنما يكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مهما كان حالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مجامعة المشركين والركون إليهم والسكنى معهم اللهم إلا من ألجأته ضرورة من الضرورات وحاجات من الحاجات التي لا تقضى إلا من ديار الكافرين كل ضرورة وحاجة تقدر بقدرها. Donc le cheikh il explique qu'il y a des certaines règles ou certains principes qui sont reliés à ce sujet. Premièrement, il dit l'interdiction de voyager vers les pays de Kufr sans qu'il y ait un besoin yani vraiment pressant ou sérieux. Et de préférer demeurer dans les pays de Kufr de cette façon-là. Ça, c'est encore plus grave. Et le cheikh, il dit, ça rajoute encore plus de mal lorsque la personne choisit volontairement yani, d'aller dans les pays de Kufr. Yani. Et en plus, si elle rajoute à ça le fait de commencer à yani, attaquer ou parler en mal des pays musulmans. Yani, le cheikh dit ça, cette personne-là, c'est la plus ignorante des personnes. Yani, j'ai connu des musulmans qui viennent dans les pays de Kufr, comme ici par exemple, commencent à critiquer les pays musulmans, commencent à parler mal des pays musulmans. Ils critiquent le gouvernement, ils critiquent la politique, ils critiquent l'économie, ils critiquent la société, ils critiquent plusieurs choses, même ils critiquent même des fois la religion. Hein. Donc, c'est pour dire que. Quel est l'intérêt pour quelqu'un qui se dit musulman de faire ça? C'est comme de l'hypocrisie. Yani. Tu viens chez les koufars pour te plaindre des musulmans. Yani. Subhanallah. Donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas une personne qui agit comme ça qui est sincère yani, ou qui veut le bien. Hein. C'est quelqu'un qui veut acheter la face des koufars. Yani. Pour se faire aimer des koufars, yani, pour que les koufars lui disent ah toi t'es bon, on t'aime, t'es avec nous, on va te faire avancer. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup maintenant des gens de différentes origines quand ils viennent ici par exemple, ils savent que les médias cherchent beaucoup d'exemples de cette catégorie de personnes qui vont parler contre l'islam et contre les musulmans, alors ils les prennent et les mettent au devant de la scène et ils leur disent allez, parlez contre l'islam et contre les musulmans. Et là, après, ils en font des héros hein, pour attaquer les musulmans. Allah musta'an. Et eux, ils pensent qu'ils ont réussi quelque chose. Mais au jour de la résurrection, yani, ou même peut-être même peut-être même dans cette dunya, ils vont voir la réalité. Qu'est-ce qui va hein, qu'est-ce qui est préparé pour eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours yani, donner à ces gens-là la rétribution qu'ils méritent. Soit dans cette dunya, ou soit dans cette dunya et dans l'au-delà. Ou dans l'au-delà seulement, ou bien soit dans cette dunya et dans l'au-delà. Eh naam, Allah al-musta'an. Donc, ça c'est important. Le cheikh il dit, qu'est-ce qui est important, c'est yani, de... Donc, quitter les pays des koufars pour s'enfuir vers les pays musulmans. Hein? Mais la personne qui ne voit pas ça, qui ne comprend pas ça, yani, c'est comme si elle a été aveuglée. Elle n'a pas vu, elle n'a pas compris clairement le chemin de la vérité. Elle ne peut pas distinguer entre le chemin de la vérité et le chemin du faux. Donc, il faut s'enfuir des pays des koufars vers les pays de l'islam, peu importe la situation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de côtoyer et de vivre yani, avec les mouchriquins, mujama'a. Hein? Mujama'a, c'est-à-dire que tu es mélangé avec eux, tu vis avec eux. Yani. Warrukul ilayhim, hein? De se sentir en confiance avec eux, de se mettre avec eux. Yani. Hein? Wassukna ma'ahum, d'habiter avec eux. Yani, tout ça, c'est des choses qui sont interdites par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il dit, accepter quelqu'un qui a été forcé à venir pour une nécessité ou pour un besoin. Il ne peut pas remplir ce besoin excepté dans les pays des koufars. Et donc, on sait que dans l'islam, il y a la règle de la nécessité. Que tu vas déterminer yani, la nécessité selon sa valeur. Hein, selon sa valeur. Si par exemple, tu comme les ulama, ils ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, dans le sharh qu'il a fait de Al-Usul al-Thalatha, il a expliqué, par exemple, les conditions pour que des musulmans, par exemple, qui ont des choses à venir faire dans les pays de Kufr, ils doivent posséder certaines caractéristiques. Parmi les caractéristiques, il a dit, le cheikh, qu'il faut qu'ils aient yani, une religion, une connaissance de la religion qui est solide, pour éviter les choubouhats. Et une, également une pratique de la religion qui est forte pour les protéger contre les shahawat. Hein? Et il a dit également que il faut que ce soit pour une nécessité, quelque chose qu'il n'y a pas dans les pays musulmans, que tu viens pour étudier cette chose-là. Comme ça, quand tu retournes, tu peux profiter les musulmans. Hein? Comme des gens qui viennent, comme des médecins, des ingénieurs. Il y en a des gens comme ça, ils viennent ici, ils étudient ces sciences et ils retournent après dans les pays musulmans pour enseigner ça, puis pour pratiquer cette science-là qu'ils ont appris, qui est bénéfique pour les musulmans. Ou bien quelqu'un qui vient faire du commerce, il vient, il achète ou il vend et après il retourne. Hein? Mais l'idée ou le principe, c'est pas de rester dans l'intention de s'installer puis de vivre ici pour toujours. Non, c'est de venir, faire ce que tu as à faire. Quand tu es fini, tu retournes. Si quelqu'un, par exemple, il a besoin de se faire opérer parce qu'il est malade, puis que cette opération-là, c'est seulement, par exemple, dans des grands hôpitaux qu'il peut trouver des spécialistes qui savent faire cette opération-là. Donc, il va venir pour ça, puis après, il s'en va, il retourne. Ça, c'est permis. Hein? Des exemples comme ça. Ou bien pour la da'wah. Quelqu'un qui va venir, il va faire la da'wah. Il va appeler les koufars et les musulmans à l'islam, à la sunna, puis après, il retourne ou bien il reste pour appeler les gens à l'islam. Ça c'est permis, même des fois c'est obligatoire, comme certains ulama ont expliqué. D'accord, donc ça dépend des situations. Et le cheikh, il dit, « Wa amma man dhahaba liyad'u ila l'islam, wa qad tahassana bil ulum al-shar'iyya, wal asbab allati » يعني تحول بينه وبين الوقوع في الرذيلة أو الانحراف في مبادئ القوم فيكون هذا مثله كمثل الغازي يغزوهم بدعوة الخير ثم يعود إلى وطنه لا سيما إذا كانت هذه الأعمال تنظمها دولة إسلامية. Donc le cheikh il a dit, il y a également un exemple de quelqu'un qui s'en va pour appeler les gens à l'islam et qu'il s'est préservé et qu'il s'est renforcé de sciences islamiques. Hein? Il a la protection des sciences de l'islam avec lui. Hein? Et le cheikh il dit, il dit, والأسباب التي تحول بينه وبين الوقوع في الرذيلة أو الانحراف في مبادئ القوم. Donc, il dit, la personne qui s'en va dans ces pays-là, dans des situations pareilles, il va pour les appeler à l'islam, faire la da'wah. Il dit, celui-là, quand il s'en va pour faire la da'wah à ces gens-là, c'est comme s'il était un combattant. Hein? C'est comme s'il était en train de faire le djihad. C'est un combattant, il s'en va, il va appeler les gens au bien. Donc c'est ça qui est important. Après, le cheikh il dit, après il retourne dans son pays, et ça c'est bien, surtout si c'est organisé par un pays musulman. Ça veut dire que c'est un pays musulman qui organise cette da'wah. Elle envoie des prêcheurs dans différents pays. C'est là que c'est bénéfique, hein? Parce que à la base c'est comme ça. Aujourd'hui la da'wa elle est un petit peu, surtout quand on est dans les pays non musulmans, la da'wa on voit que c'est un petit peu fait un petit peu en désordre parfois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un gouvernement islamique qui dirige par exemple les différentes mosquées pour dire bon, on va placer les imams, on va placer les enseignants, on va financer les mosquées, on va s'en occuper, la gestion et tout. Hein? S'il y avait un pays comme ça qui faisait ça, par exemple au Canada, aux États-Unis, en Europe, hein, un pays musulman comme on va dire que l'Arabie Saoudite, qui place les différentes mosquées, qui construit les différentes mosquées dans les différents pays musulmans, dans les pays non musulmans par exemple, ils envoient des imams et c'est eux qui s'en occupent, et ils envoient des prêcheurs, des professeurs, hein, qui sont formés dans les universités là-bas, qui vont enseigner là-bas. et ils financent les mosquées, ils s'occupent de tout. On aurait beaucoup moins de problèmes que les problèmes qu'on a actuellement par rapport à les mosquées. Mais étant donné que maintenant c'est fait un petit peu à l'improvisation des fois, ça, c'est ça qui arrive qu'on a beaucoup de problèmes. Mais ces problèmes-là, tu ne les trouves pas dans les pays musulmans, les problèmes de cette catégorie-là. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'ordre ici. Et on est dans un pays qui n'est pas musulman. Donc le gouvernement, ici, il ne va pas s'occuper des mosquées parce que, premièrement, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et deuxièmement, c'est des laïcs. Donc ils ne veulent rien savoir de s'occuper de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est dans le sens que du moment qu'on est comme dans cette situation-là, on s'organise de la façon qu'on peut. Et puis on espère qu'avec le temps, Inch'Allah, si les choses s'améliorent, qu'on deviendra de mieux en mieux organisé, puis qu'on aura plus de facilité pour la da'wa de plus en plus, Inch'Allah. Donc c'est ça. Le Cheikh il dit après, وَقَدْ تَكُونَ هُنَاكَ ضَرُورَاتٍ تَلْجَأُ إِلَى الذَّهَابِ إِلَى الذَّهَابِ إِلَى بَلَدِ الْكُفَّارِ إِمَّا لِلْعِلَاجِ وَإِمَّا لِتَعَلُّمِ عِلْمٍ تَحْتَاجُهُ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَلَا يُوجَدُ فِي بِلَادِهَا وَدِيَارِهَا وَإِمَّا لِيُمَثِّلْ دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ فِي أُمُورٍ دَوْلِيَّةِ لَا غِنًا عَنْهَا فَهَذِهِ مِنَ الْأُمُورَ الَّتِي قَدْ تُسْتَثْنَى وَلَكِنْ لَا يَذْهَبُ إِلَّا مَنْ كَانَ صَاحِبُ حِصَانَةٍ بالعلوم الشرعية والتقوى والإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى. Donc c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que lorsque quelqu'un il va pour une nécessité dans les pays de Kufr, eh bien il faut que ce soit pour quelque chose d'important ou nécessaire, pour se faire guérir s'il est malade, ou pour apprendre une science que la umma musulmane a besoin, qu'elle ne trouve pas chez elle dans son pays. Donc, ou bien pour être un représentant d'un pays musulman dans les affaires internationales dans les pays de Kufr, comme un ambassadeur ou quelque chose comme ça, tu vois. Chaque pays musulman, il envoie des ambassadeurs dans les différents pays de Kufr pour représenter son pays. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est des choses qui sont des exceptions. Mais, le cheikh, il dit, mais il faut que la personne qui aille dans ces pays-là soit bien protégé hein, par la science islamique avec la piété, la foi et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il va tomber facilement dans les péchés, dans l'égarement, dans la perversité. Le Cheikh il dit wa qawluhu ta'ala ya ibadiy alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. والدليل على أن حكم الهجرة باق ما ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أي واسعة فلا بد من الانتقال من الضيق إلى السعة وبلاد الضيق هي بلاد الكفر وبلاد السعة هي بلاد الإسلام. Donc le cheikh il a mentionné donc le verset dans sourate Al-Ankabut, le verset 56, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ça c'est le cheikh il dit, ça c'est la preuve que le verdict de la hijra il demeure toujours applicable. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: ô mon serviteur qui a cru, ma terre est vaste, alors n'adore personne que moi. Et lorsque Allah dit ma terre est vaste, wasi'a, ça veut dire que tu dois quitter l'endroit qui est étroit vers la, yani, qu'est-ce qui est vaste. Et l'endroit qui est étroit, ou le pays où tu te sens à l'étroit, c'est les pays de Kufr. Et la largesse, ou l'endroit où, où c'est vaste, c'est les pays de l'islam. Donc, qu'est-ce qui est compris par ces versets-là aujourd'hui par certains musulmans? C'est le contraire. Hein? C'est vrai, l'autre jour, on a rencontré, comme je le disais la semaine passée, moi et musulman, on y rencontrait un musulman, et il m'a dit, moi j'ai vécu en Arabie Saoudite, j'étais dans le Golfe, et là maintenant je suis venu au Canada. Il dit, ça fait 2-3 mois que je suis arrivé. Je lui ai dit, Harry, comment tu peux quitter ces pays-là pour venir ici dans le pays de Kouf? Il m'a dit, Ardullahi wasi'a. Il dit, Inna Ardullahi wasi'a. Je lui ai dit, Ardullahi wasi'a, naam, dans le sens que tu vas quitter les pays de Kouf vers les pays de l'islam, pas les pays de l'islam pour venir vers les pays de Kouf. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans, parfois, ils utilisent le Coran dans le sens contraire de, duquel il a été révélé. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le tafsir. Ils lisent le texte, mais ils ne lisent pas le tafsir du verset, de la signification du verset. Et le cheikh, il dit, « قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. » Donc, l'imam al-Baghawi, il a dit, ce verset, il était révélé à propos des musulmans qui étaient à Mecca, qui n'avaient pas fait la hijra. Allah les a quand même appelés par le nom de la foi. Et وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَ حَتَّى تَنْقَطِعُ التَّوْبَةِ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةِ حتى تطلع الشمس من مغربها. Donc le cheikh il mentionne ensuite, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, et la preuve de la sunna que il y a, yani qu'il faut faire la hijra, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la hijra ne va jamais être annulée, elle va jamais être abrogée ou coupée jusqu'à ce que il y est, yani jusqu'à ce que tu puisses te repentir. Et la repentance ne sera jamais arrêtée, c'est-à-dire ne sera jamais fermée, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Donc ça veut dire que c'est jusqu'à la fin des temps la hijra. Hein? Le cheikh il explique le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Ahmad. Et il dit, صححه الألباني في الإرواء. Donc il est authentifié par Cheikh Al-Albani dans إرواء الغليل. Le Cheikh dit, هذا دليل وهذا دليل على امتدادها وبقائها متى وجد سببها وانتفت موانعها. Donc il dit que ça c'est la preuve que c'est quelque chose qui reste obligatoire, qui reste obligatoire et que son application va demeurer tant que la cause, sa cause est présente. Tant que la cause de faire la hijra est présente, eh bien l'obligation va demeurer présente aussi. Et tant qu'il n'y a pas d'empêchement, des choses qui nous empêchent de la faire. Donc, il dit ensuite, « غير أنما نستوطنوا وهم مسلمون في ديار الكفر بدون عذر شرعي لا يحكم عليهم بالكفر ولكنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب اللهم إلا إذا أتوا بالأسباب التي تنقلهم من إسلامهم إلى الكفر والعياذ بالله كأن يفضلوا معاملة الكفار على معاملة الإسلام والمسلمين أو رأوا بأن أنسهم وحياتهم الطيبة المباركة إنما هي في بلاد الكفر وحياة الشؤم في بلاد الإسلام فهذا هو العياذ بالله بعد عن الله وانحراف عظيم ومصيبة عظمى وسبب ذلك كله الجهل بالإسلام وجلالة قدره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit, sauf que ceux parmi les musulmans qui se sont installés, sont devenus des citoyens dans les pays de Kufr sans aucune excuse valable dans la charia, on ne va pas dire qu'ils sont des kuffars. On ne va pas dire que ce ne sont pas des musulmans. hein? Malgré que il y a des choses parfois que les musulmans qui vivent chez les koufars font, il y en a des fois, il y en a, c'est très grave. Juste comme par exemple pour dire, pour devenir un citoyen dans un pays de kufr, comme par exemple le Canada, quelqu'un doit faire un serment d'allégeance. Hein? Quand ils font la cérémonie pour devenir canadien, ils vont lever la main et là ils doivent prononcer la phrase qui fait que tu deviens canadien. Ça s'appelle le serment de citoyenneté. Et le serment de citoyenneté, juste pour te montrer, Annie, il y a même des séparatistes québécois, Annie, c'est pas des musulmans, mais ils contestent. Ils contestent cette serment de citoyenneté parce que c'est un serment qui est fait à la reine d'Angleterre. Et eux, les séparatistes, sont pas tellement en faveur avec la reine d'Angleterre, tu vois. Donc, ils sont toujours en train de critiquer ce serment de citoyenneté. Et là. Donc, c'est vraiment pas difficile à trouver parce que t'as juste à écrire ça sur Google et puis tu le trouves tout de suite. Donc le texte du serment c'est « J'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance. » L'allégeance, c'est qu'est-ce qu'on traduit par en arabe « bay'a » hein? Donc c'est comme si tu es en train de faire une bay'a. Hein? Alors que dans l'islam, le musulman, il fait uniquement la bay'a aux dirigeants musulmans. Uniquement aux dirigeants musulmans. Tu ne peux pas faire un dirigeant qui n'est pas musulman une bay'a. Et Si un dirigeant, il est, disons, il a, si déjà tu as donné ta bay'a déjà à un dirigeant, tu peux pas donner à un deuxième. Tu vois, dans l'islam, tu peux pas donner deux bay'a à deux dirigeants en même temps. Tu comprends? Donc, il dit, j'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, et que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyenne ou citoyen-citoyenne, canadien-canadienne. Donc ça, c'est juste pour donner comme exemple. Pour dire que tu fais une bay'a à un dirigeant ou à un chef d'État qui n'est pas musulman, et tu quittes ton pays musulman pour venir vivre chez les koufars de cette façon. En fait, ça, c'est d'après ce que j'ai vu dans une vidéo, ils sont un groupe de personnes dans une salle, puis tout le monde prononce ça en même temps. Oui. Après, tu dois signer le papier, bien entendu. Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, tu ne peux pas t'en échapper. Parce qu'il y en a qui, il y en a, j'ai rencontré des musulmans, ils m'ont dit, mais je vais là-bas, mais je prononce pas vraiment, je le dis pas. Oui, mais met la fatigue. Ouais, non, tu signes après. Allah Moustan. Donc, on n'a pas le droit de, nous les musulmans, on n'a pas le droit de mentir. Et on n'a pas le droit de trahir notre engagement. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça les ulama ils ont dit que c'est interdit pour le musulman de prendre la citoyenneté d'un pays de kufr. Il y a les fatwas de Al-Lajnat Da'ima à ce sujet qui sont très très claires. Et de Cheikh Al-Fawzan et Cheikh plein d'autres machers qui ont des fatwas sur ça depuis très très longtemps. Mais ils ont aussi parlé de ceux qui se marient avec des femmes non musulmanes dans les pays de kufr pour obtenir la citoyenneté. C'est-à-dire ils font des mariages en blanc. Ça veut dire, c'est pas un vrai mariage. Tu t'entends avec une femme pour dire, bon, je te donne une somme d'argent, on se marie seulement pour les papiers, et puis après quelques années, chacun pour soi, on retourne, hein, on va pas vivre ensemble pour vrai, c'est juste pour que je vais avoir la citoyenneté. Les ulama ont dit ça, c'est haram. Celui qui fait ça, il a commis un grand péché. Donc, ça, c'est des exemples de choses qui sont interdites dans l'islam, mais que beaucoup de musulmans à notre époque le font, En réalité, c'est très triste, puisque ça montre à quel point il ne donne pas une grande valeur à ces principes de l'islam. Et bien entendu, il y a aussi les koufars, ils font ça pour un but. Quand ils laissent venir les musulmans dans les pays de Kouf comme ça, c'est toujours parce qu'ils ont des objectifs à long terme. Et on voit de certains de ces objectifs-là qu'ils sont en train de faire pour faire en sorte qu'il y ait des musulmans qui commencent à changer de mentalité. Devenir comme des koufars, après ils les renvoient dans les pays musulmans pour corrompre les autres, tu vois, ou pour faire du désordre. Et chaque fois, j'ai remarqué, chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans les pays musulmans, ceux qui viennent faire des problèmes dans les pays musulmans, c'est des musulmans qui vivaient dans les pays de Kouf avant. Quand ils sont revenus, ils ramènent avec eux des idées qui viennent faire des problèmes chez les musulmans. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut faire attention. Donc le cheikh, il dit, donc c'est ça. Il y a des choses que tu vois, comme quand tu donnes allégeance à la reine ou des choses comme ça. Il y a des choses, si tu dis je donne allégeance, que je vais obéir aux lois et tout ça. Bon, parmi les lois des koufars, il y en a des lois qui sont peut-être en accord avec l'islam, mais il y en a d'autres qui sont contraires à l'islam. Tu vois, la plupart. Donc si tu vas dire je suis d'accord avec ça, avec ces lois-là, ça c'est grave, ça même, ça fait sortir de l'islam. Donc c'est pour cette raison que si un musulman fait ces serments-là de cette façon, c'est dangereux parce qu'il peut même quitter l'islam. Et c'est comme des exemples de certaines femmes ou hommes qui vont faire des études, par exemple, dans les universités en sciences humaines ou en sociologie ou autre. Ils font des recherches ou des études sur le monde musulman, le monde arabe, les pays musulmans, commencent à critiquer, attaquer les musulmans, des choses comme ça. Donc, ils deviennent canadiens, après ils parlent contre les musulmans, parlent contre l'islam, parlent contre le Coran, donc tout ça, ça les fait sortir de la religion musulmane. C'est pour ça que le cheikh, il a dit, s'ils vont vivre dans les pays, ils vont s'installer et vivre dans les pays de Kufr, on va pas dire qu'ils sont des koufars pour ça, mais ils ont commis un grand péché parmi les grands péchés. Et il dit, excepté si ils ont fait des choses qui sont des causes pour les faire sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve, alors dans ce cas-là, c'est clair que ça va les faire sortir de l'islam. Comme par exemple, qu'ils préfèrent le comportement des koufars au comportement de l'islam et des musulmans. Ou bien ils se voient, eux, comme si plus en paix et plus en harmonie, ils vivent mieux dans les pays de Kufr que dans les pays de l'islam. Ils pensent que dans les pays de l'islam, ils ont une vie misérable, une vie triste, une vie qui n'est pas heureuse. Et donc ça, c'est des exemples. Le cheikh, il dit, wal'iyadhu billah, c'est quelque chose qui nous éloigne d'Allah. Cette vision qu'ils ont, c'est à cause de l'éloignement qu'ils ont d'Allah. Et c'est une grave déviation et un grand malheur de la part de cette catégorie de personnes. Et il dit, wa sababu dhalika kullihi, donc la cause de tout ça, c'est l'ignorance de l'islam et de la grande valeur de l'islam. Et le cheikh, il termine donc cette partie-là en disant, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ensuite, bon, il continue. Nous, on va continuer encore. Il dit, فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام وأخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. Donc, juste avant de traduire cette partie, je vais juste faire quelques points encore avant de changer de sujet pour pour terminer de parler de la question de la hijra, parce qu'il y a encore des idées qui me sont venues à l'esprit, juste pour mentionner que maintenant, en plus, avant c'était déjà dangereux pour les musulmans de venir chez les koufars, maintenant ça devient encore plus difficile. Parce qu'on voit comme par exemple en France, puis maintenant ça commence même ici au Québec, ils mettent des lois pour essayer d'interdire le voile, pour essayer d'interdire le niqab. En France, il y a déjà des lois qui sont établies pour ça. Et ici au Québec, là, il y a la charte des valeurs qu'ils ont inventées pour essayer de ramener les problèmes de la France ici au Québec, la même chose. Donc, ils veulent essayer de causer des problèmes aux musulmans ici. Ils voient que le nombre de musulmans augmente. Et donc, ils commencent à vouloir essayer de casser, la ferveur des musulmans et leur attachement à l'islam en faisant ce genre de loi pour faire en sorte qu'ils vont tout de suite envoyer un message à ceux qui arrivent pour dire « Nous, on ne veut pas que vous pratiquiez votre religion comme ça ici. » Ils ne le disent pas avant. Ça, c'est la raison pourquoi. C'est parce que même s'ils prétendent que, comme s'ils veulent faire sentir aux musulmans que si on vous fait venir ici, c'est parce qu'on veut vous faire une faveur. comme si c'est vous qui avez besoin de venir ici. Mais la réalité, c'est le contraire. Tu vois? Ils disent pas, c'est quelqu'un qui vient ici. Mais s'il le disait d'après moi, s'il le disait depuis là-bas, de cette façon-là, les gens tout de suite sauraient, ils auraient peut-être pas le même intérêt à venir ici, tu vois. Mais est-ce que tu penses que ça c'est des gens honnêtes à qui on a affaire? Déjà même ceux qui viennent pour la dunya, même ceux qui viennent pour la dunya parmi même pas des musulmans. Des gens qui viennent de d'autres pays qui ne sont pas musulmans, quand ils viennent pour vivre ici, ils leur font paraître la vie ici comme si c'était la plus belle vie au monde. Quand vous allez arriver ici, vous allez avoir un travail, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. C'est ça. Ils font paraître aux gens là-bas comme si ils vont donner à il y en a toutes les facilités, tout, il n'y aura pas de problème. Quand une fois arrivé sur place, là, il voit que la réalité est différente. Donc, si c'est comme ça pour les autres, ils mentent à tout le monde. Ils mentent pas seulement aux musulmans, mais aux musulmans, c'est encore plus. Parce qu'en plus, quand ils arrivent ici, on leur demande d'abandonner leur religion. Peut-être pas aussi direct que ça, mais on leur fait comprendre que qu'on ne veut pas de religion ici, exactement. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'en fait, ils ont une charte qui dit qu'on a la liberté de religion, mais de l'autre côté, ça les dérange. C'est comme si eux, en espérant, ils disent vous avez la liberté de religion, mais en espérant que vous n'allez jamais la pratiquer. Tu vois, c'est contradictoire, Yannick. En tout cas, donc c'est pour dire que maintenant les musulmans ressentent encore plus la nécessité de quitter les pays de Kufr. Et maintenant qu'est-ce qui se passe, c'est que entre les koufars, il y en a qui montrent qu'ils sont plus tolérants, d'autres qui sont moins tolérants. Donc ça veut dire que, par exemple, ils vont dire, bon, si on peut pas aller au Québec, on va aller à Toronto. Toronto, les gens sont plus accueillants, ils acceptent plus les immigrants et tout et tout. Peu importe que ce soit, même en Angleterre, mais en Angleterre, ils sont plus ouverts qu'au Canada, même, et peu importe, même s'ils sont plus ouverts que la France, c'est des pays de kufr quand même, c'est pas des pays musulmans. Donc il faut toujours que le musulman commence à penser à s'en aller dans un pays musulman. Si par exemple, comme c'est le cas pour plusieurs frères, ils n'ont pas les moyens encore, ou ils ne sont pas prêts, ils ne peuvent pas partir tout de suite, ils doivent se préparer jusqu'à ce qu'ils soient capables. Et lorsqu'ils sont capables, Inch'Allah, par la permission d'Allah, ils vont pouvoir partir et s'en aller, inshallah. Et là, puis ceux qui ne peuvent pas partir, qui vont rester, parce que comme les machaïfs ils ont dit, pensez pas que c'est tout le monde qui va partir, tout le monde ne va pas partir. Donc il y a toujours une portion qui va rester. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui vont faire la da'wah pour ces gens-là et qui vont leur enseigner la vérité et leur expliquer la salafia et la sunna, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Donc à propos de qu'est-ce qu'on a lu en dernier, le cheikh il dit, lorsque par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a fait la hijra, il s'est installé à Médine. Et c'est à Médine qu'il a été ordonné de faire tous les autres piliers de l'islam, les autres principes de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné comme par exemple la zakat, la salat, le jeûne, le hajj, le adhan, le jihad, l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal et d'autres également parmi les principes de l'islam. Et il a pris 10 ans à faire cela. Et après ces 10 années, eh bien, il est mort, alayhi salatu wassalam. Donc le cheikh, il explique ça, il dit, فقد مضى معنا في الدرس الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقراه حيث أنزل الله عليه صدر سورتها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وأرسل بالمدثر لما أنزل الله عليه قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وعرفنا ما تيسر من المعاني المتعلقة بذلك الدرس، كما عرفنا حكم الهجرة وأنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة، وأن من كان في بلد الكفر وهو من أهل الإسلام لا يعذر بالبقاء في الكفر لا يعذر بالبقاء في بلد الكفر إلا إذا كان من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Donc le cheikh il fait un retour en arrière sur qu'est-ce qu'on a vu dans les cours précédents. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie avec le verset Iqra, lorsqu'il a reçu la révélation de Surat al-Alaq, puis qu'il a été envoyé comme messager lorsqu'il a reçu Ya ayyuha al-muddathir, et qu'il a reçu les premiers versets de cette surah. Et on a déjà expliqué ça dans les cours précédents, et tout ce qui est rattaché à ça. On a connu également le verdict de la hijra, et que c'est une obligation pour cette umma du pays de Kufr vers les pays de l'islam, et que ça reste une obligation jusqu'à ce que l'heure du jugement dernier soit établie, et que celui d'entre les musulmans qui est dans un pays de Kufr, alors qu'il est musulman, il n'est pas excusé de rester dans les pays de Kufr, excepté s'il fait partie des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne trouvent pas de moyens et qui ne connaissent pas le chemin. ثم واصل المؤلف رحمه الله في بيان شرح سورة النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقد أذن الله له عليه الصلاة والسلام في الهجرة، لأن الكفار كانوا يريدون القضاء عليه وعلى هذه الدعوة المباركة ودعوة التوحيد الحق في بدايتها، ولكن الله قضى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمره بها، فهاجر إلى المدينة وكان بصحبة أبو بكر رضي الله عنه، وكان أهل المدينة من الأنصار الكرام الذين أثنى الله عليهم في محكم القرآن، كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم فرحين مستبشرين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقر بها وأمر ببقية شرائع الإسلام، وكانت الصلاة قد فرضت ركعتين ركعتين في مكة، فقرت صلاة صلاة صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر فكان يصليها في المدينة أربعا أربعا إلا المغرب فتصلى ثلاثا وإلا الصبح فتصلى ركعتين. Donc le cheikh il explique que ensuite l'auteur il continue à expliquer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'est-ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission de faire la hijra de la Mecque vers Médine parce que les mouchriquins voulaient essayer de le tuer. Ils voulaient tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'était au début de cette da'wa bénie, la da'wa du tawhid, de vérité. Et donc il voulait la détruire cette da'wa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que son prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra et lui a ordonné de la faire. Alors il a émigré vers Médine avec son compagnon Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Et les gens de Médine, parmi les Ansar, les nobles Ansar, yani que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné avec des éloges dans le Coran, ils attendaient avec impatience la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils se réjouissaient tous les jours en attendant sa venue. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il s'y est installé. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné le reste des obligations de l'islam. Avant, à la Mecque, les salats, c'était, salats obligatoires, c'était deux rak'at chaque. C'est-à-dire, fajr, c'était rak'atayn, dhuhr, rak'atayn, toutes les prières, c'était deux rak'at chacune. Sauf que à Médine, les prières sont restées, le même nombre de prières par jour, sauf que les prières de Dhuhr, l'Asr et l'Isha sont devenues quatre. Et Isha, le Fajr est resté deux, et le Maghrib est devenu trois. Mais Dhuhr, Asr et Isha sont devenus quatre au lieu de deux. Tu comprends? Sauf dans le voyage. Dans le voyage, toutes les prières de Dhuhr, Asr et Isha sont restées deux dans le voyage. Naam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui que le witr, c'est le maghrib, c'est le witr de la journée. Yani hada sami'at hada fi hadith. Il y a le witr de la nuit qu'on fait à la fin de la nuit. C'est yani quand tu pries une unité de rak'a, une unité de prière, puis la journée c'est le maghrib qui vient terminer le nombre avec un nombre impair. Wallahu a'lam. Le cheikh dit: ثم أنزل الله عز وجل بقية الفرائض في المدينة خلال عشر سنين والقرآن المدني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو أحكام في بيان الحلال والحرام ومنه ما هو إجابات على أسئلة ومنه ما هو قصص وأمثال لتأخذ منها الأمة العبرة والعظة إلى غير ذلك من أحكام الله التي كلف بها المكلفون من زكاة وصوم وحج وأذان وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل علنا لأن وقت السرية قد ذهب. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a révélé le reste des ordres de l'islam, des obligations de l'islam à Médine. Et ça c'était pendant 10 ans. Le Coran de Médine était révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il y avait donc parmi les règles, parmi les versets qui étaient révélés, c'était des versets sur les règles de qu'est-ce qui est halal et le haram. Donc c'était pour expliquer le halal et le haram. Et il y a d'autres versets qui étaient révélés qui étaient des réponses à des questions. Et il y a d'autres versets qui étaient révélés, c'était des histoires ou des paraboles pour faire réfléchir, pour donner des leçons. et ainsi que beaucoup d'autres parmi les règles d'Allah que Allah a donné yani comme obligation ou règle aux croyants. Et parmi, comme exemple, parmi ces principes-là, la zakat, le jeûne, le hajj, le adhan, le jihad, l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, le fait d'appeler à Allah ouvertement, parce que la période du secret était terminée. C'est-à-dire la période où on disait qu'on pouvait appeler à Allah en secret, cette période-là était terminée parce qu'il y avait un État islamique, il y avait un pays musulman. Hein? Donc il n'y a plus de place maintenant pour les da'wahs secrètes, comme le font certains, malheureusement, à notre époque, des groupes de da'wahs secrètes. Hein? Ça existe aujourd'hui. Il a Allah Mustaan. Naam. L'imam al-Hassan al-Basri disait يعني أو معنى الكلام يعني إذا رأيتم من يتناجون يعني فيما بين أنفسهم يعني فيما بدون ما يعني يتناجوا به العامة فاعرفوا أنهم على تأسيس ضلالة أو كما قال يعني الحسن البصري يعني ف يعني c'est ça ce qui se passe. Des gens qui se réunissent en secret pour parler de sujets et qui n'en parlent pas devant les autres, ça c'est la preuve que ces gens-là sont en train d'établir un égarement. Non, tu le chercheras puis après tu le ramènes, Inch'Allah. طيب, le Cheikh il dit ensuite أخذ على ذلك عشر سنين والآيات تتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها ويفسرها للناس وهم أوعية العلم ويحفظونها حفظا جيدا ويبلغونها إلى أهل الأرض في الآفاق حتى أتى التابعون وأخذوا عنهم العلم وكان منهم العلماء الربانيون الذين بلغوا من بعدهم وهكذا بلغ هذا العلم ويؤخذ جيلا بعد جيل حتى يأتي اليوم الذي يرفع من الأرض بموت أهله. أي نعم. Donc le cheikh il explique que il dit après ça donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté comme ça pendant 10 ans. Les versets étaient révélés sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait ces versets aux gens. Et il expliquait aux gens ces versets-là. Hein? Et eux, c'est-à-dire les sahaba, sont comme des contenants qui préservent la science. Et ils la mémorisent, bien mémorisée. Et ils la transmettent aux gens de la terre. Et à l'horizon, partout sur la terre. Et les tabi'oun, c'est-à-dire les élèves des sahaba, ils prennent cette science, ils ont pris cette science eux aussi. Et parmi eux, il y avait des grands ulama, rabbaniyoun. Et eux, ils l'ont transmis à ceux qui venaient après eux. Et c'est ainsi que, de génération en génération, la science s'est transmise jusqu'à ce qu'elle arrive à notre époque aujourd'hui, où elle est enlevée par la mort des savants, par la mort des hommes de science. Comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah n'enlève pas la science par le fait de l'enlever du cœur des hommes, mais en faisant mourir les ulama. Wa lamma hajja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hajjat al-wada' wa bayyana lin-nas fi hajjat al-wada' ma yahtajuna ilayhi fi ma'ashihim wa ma'adihim إذ خطبهم خطبة عظيمة جامعة ومنها خطبة يوم عرفة التي بين فيها أحكاما كثيرة لا تدخل تحت العد والحصر في هذا المقام ومن ذلك أنه أعلم الأمة بأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم وبين لهم بأن الربا كله موضوع ولا يجوز التعامل به بعد ذلك وأشهد الله على الجميع بأنه بلغهم الرسالة وأوضح لهم معالم الحق وأنه لم يبقى شيء يحتاجون إليه إلا بينه لهم وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات بينات تعتبر من آخر آيات القرآن نزولا منها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors du discours d'adieu, il a expliqué aux hommes, yani, ce que les hommes avaient besoin de connaître dans les choses de leur vie, dans les choses de leur mort, yani de leur résurrection, par rapport à l'au-delà. Et il leur a fait un discours, yani un énorme discours dans lequel il a rassemblé plein de règles. Et c'était le discours du jour de Arafat. Il a parlé de règles et de choses qui sont tellement grandes et nombreuses que, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qu'elles sont difficiles à dénombrer. Et il a dit, et parmi ces choses-là, il y a, yani, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il y a que, il leur a dit que votre sang, vos biens et vos honneurs est sacré. C'est quelque chose de sacré pour vous. Et il leur a expliqué que le riba, tout qu'est-ce qui a rapport avec le riba, c'est quelque chose qui est complètement annulé. Hein? Et qu'il n'était plus permis d'avoir recours au riba, hein? Et de l'utiliser ou d'en charger aux autres. Et il a pris Allah comme témoin, il a pris Allah comme témoin pour tout ce qu'il leur a transmis du message. Et il leur a clarifié les choses les plus importantes de la vérité. Il leur a expliqué les différentes parties de la vérité. Et il n'y a rien qui est resté de ce qu'ils avaient besoin de connaître, excepté qu'il leur a clarifié. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé parmi les derniers versets qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les derniers versets qui sont révélés dans le Coran, le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc ça c'est Al-Ma'ida, qui est une des dernières sourates qui était révélée, et aussi Al-Tawba et Al-Ma'ida, c'est les deux dernières sourates qui sont révélées dans le Coran. Non. Après, le cheikh il dit وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أتت هذه السورة الكريمة تشير إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك هو وفهم ذلك ابن عباس وغيره سبب نزولها. أي نعم ساسي يعني c'est la sourate dans le Coran, sourate al-Nasr. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sourate al-Nasr, lorsque vient la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le secours d'Allah et la victoire, et que vous voyez les gens entrer dans la religion d'Allah par groupe, alors yani, célèbre les louanges de ton Seigneur et demande-lui pardon. Il est certes acceptant, il est certes celui qui accepte la repentance. Donc cette sourate, elle indique que la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est proche. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris lui-même de cette sourate. Et c'est ça que Abdullah ibn Abbas avait compris lui aussi dans la raison de sa révélation, dans Sabab al-Nuzul. Il y a un exemple comme ça, yani. Il y a l'histoire de Omar qui est bien connue. Quand il a ramené Abdullah ibn Abbas avec lui, et il était réuni avec les anciens parmi les Sahaba, ceux qui sont plus âgés. Et les anciens ont dit: est-ce que tu vois qu'on ramène nos enfants ici avec nous? Donc pourquoi toi tu viens avec ce jeune garçon? Yani Abdullah ibn Abbas était un enfant très jeune à cet âge-là. Donc il a dit: mais pourquoi tu viens toi avec ce jeune enfant-là? Nous on a laissé nos enfants à la maison. Et Omar ibn al-Khattab, yani, lui a dit, yani, c'est comme si il l'a amené pour leur montrer, yani, qui était Abdullah ibn Abbas. Alors, il leur a demandé, yani, qu'est-ce que vous dites du verset Idha ja'a nasrullahi wal fath? Qu'est-ce que vous dites de ce verset-là? Alors, certains ont commencé à donner des réponses. Yani, certains ont expliqué. Yani, amarana nahmad Allah wa nastaghfirahu idha nusirna wa futiha alayna wa kada wa kada. Wa sakata ba'duhum. D'autres, ils ont rien dit. D'autres, ils ont pas parlé. Alors, Omar, il a dit à Abdullah ibn Abbas, akadhalika, hein? Akadhalika taqul ya ibn Abbas? Est-ce que toi tu dis ça? Qu'est-ce que les autres ont dit? Il a dit là. Il a dit non, c'est pas ça ce que je dis moi. Il a dit, fama taqul? Qultu huwa ajalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. A'lamahu lahu. وقال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. عمر il a dit à la fin, il dit moi je sais rien que ce que tu dis toi, c'est-à-dire je connais rien d'autre que ce que tu dis toi. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas a dit ce verset-là était révélé pour faire savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa fin était proche et qu'il allait mourir bientôt. Donc, c'est-à-dire pour lui annoncer sa mort. Et donc, Omar ibn Khattab avait fait venir Abdullah ibn Abbas ce jour-là parmi les anciens pour faire savoir aux anciens le degré de science d'Abdullah ibn Abbas et que malgré son jeune âge, il faisait partie des grands et des ulama de yani, à cet âge-là et à ce moment-là. نعم. وآخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بعدها شيء على قول جمهور المفسرين قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها بين آية الدين وآية الربا. نعم. Donc ça c'est selon la majorité des mufassirin, la majorité des savants de tafsir, ils sont d'accord pour dire que le dernier verset après lequel il n'y a pas aucun autre verset qui a été révélé, c'était le verset 281 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit et craignez le jour dans lequel vous serez ramenés vers Allah. Hein? Oui, ça c'est le dernier verset. Oui, 281 dans Al-Baqarah. Et on donnera à chaque âme selon ce qu'elle a acquise et nul ne sera lésé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, placez-la entre le verset de la dette et le verset du riba. Placez-le entre les versets de la dette et le verset du riba. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait aux sahaba chaque verset qui était révélé à quel endroit il devait le placer dans le Coran. Naam. Et naam. Donc, si tu veux faire le adhan muslim, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi